passé, monte au double platine. Les concerts et tout ça, j'enchaîne comme une machine. Le passé, c'est le passé, ma vie jamais je l'étale. J'ai pas perdu les pédales, rose n'a plus de pétales. J'te jure, je les connais, ceux qui vont de leur mère. J'sors un new projet, j'fais pas ça pour leur plaire. J'te jure, je les connais, j'sais bien qu'ils feraient des dingueries pour mener cette vie. Wow, wow, t'inquiète, j'ai capté. Ils font que porter l'œil, ils font que m'analyser. Tu sais, des fois, j'ai pas trop le cœur à fêter. Ce que tu penses de moi, je m'en fous, c'est léger. Un, deux, trois, j'ai plus le temps pour toi. Un, deux, trois, bon débarras. Un, deux, trois, j'ai plus le temps pour toi. Un, deux, trois, bon débarras. Tu sais quand c'est cassé, on peut plus réparer. Tu sais quand c'est cassé, on peut plus réparer. Ouverture papillon, bientôt je vais m'envoler. Ouverture papillon, first class dans l'avion. Sûrement pas toi qui va m'arrêter, je me passerai de tes conseils et tout ça. Sûrement pas toi qui va m'arrêter, tu sais pour moi faut pas t'inquiéter, c'est le pilote à bord. Tu croyais quoi toi? Ah, ah, ah. Wow, wow, t'inquiète, j'ai capté. Ils font que porter l'œil, ils font que m'analyser. Tu sais des fois j'ai pas trop le cœur à fêter. Ce que tu penses de moi je m'en fous, c'est léger. Un, deux, trois, j'ai plus le temps pour toi. Un, deux, trois, bon débarras. Un, deux, trois, j'ai plus le temps pour toi. Un, deux, trois, bon débarras. Si t'as offert je le ferai, mais sans hésiter. Si ça devait s'arrêter, eh ben c'est comme ça. Et si c'était à refaire, je le ferais. Mais sans hésiter. Si ça devait s'arrêter, eh ben c'est comme ça. Un, deux, trois, j'ai plus le temps pour toi.